Chapitre 6e. Tom Browning n'avait rien à manchot. Se baissant brusquement, il écrasa d'un coup de talon la face camuse du plus proche de ses agresseurs, cependant que son poing de fer fracassait la mâchoire du second. Mais au même instant, un troisième assaillant le saisit par la cheville et le fit trébucher. Il étendit les bras en avant, ne rencontra rien pour se retenir et s'abattit sur le sol. Quatre hommes se jetèrent aussitôt sur lui, il voulut lutter encore, se débattre, mais le coup qu'il avait précédemment reçu dans la rue du Mont-Cenis l'avait déjà fort affaibli, et ses assaillants non seulement étaient robustes, mais encore pratiquaient à merveille l'art du jiu-jitsu. Sans bien savoir comment, l'Américain se sentit réduire à l'impuissance. Ses assaillants le ficelèrent rudement, le dépouillèrent de tout ce qu'il avait sur lui, et le déposèrent dans un angle de la cave, aux côtés de l'inconnu qu'il avait si longtemps suivi. Quant aux deux acolytes de ce dernier, Tom Browning put les voir, gisant sur le sol à quelques pas de lui, le crâne ouvert, mort. « Ils vont bien, les Japs, » pensa-t-il. C'étaient en effet des Japonais qui étaient ainsi inopinément intervenus. Browning vit l'un d'eux, qui devait être le chef de la bande, donner ses ordres aux autres. « Pour eux qu'ils ne surprennent pas aussi ce pauvre Rabascas, » pensa-t-il. « Je n'ai vraiment pas de chance. Maintenant que l'affaire était faite et qu'il ne me restait plus qu'à faire arrêter mes gibiers, enfin, bien heureux si je tire de là ma carcasse sans trop de dommages, car ils m'ont l'air décidés à tout, ces faces de singes. » Browning n'eut pas le loisir de réfléchir davantage sur sa malheureuse situation. Deux des Japonais, dont l'un portait de grosses lunettes rondes à monture d'écailles, s'approchèrent de lui. L'un traînait un grand sac rempli de copeaux qu'il déposa sous le sol et ouvrit. À grand renfort de poussées brutales et de coups de pied, le pauvre Américain fut introduit dans le sac dont l'ouverture fut aussitôt recousue sur lui. Ligoté si serré qu'il était impossible de faire le moindre mouvement, aux trois quarts étouffés par les copeaux qui l'enserraient de toutes parts. Browning sentit qu'on soulevait le sac et qu'on l'emportait. Il comprit qu'on le remontait à la surface du sol. Ce fut d'ailleurs tout ce qu'il put savoir. Les copeaux, au milieu desquels il s'était enfui, empêchaient tout bruit de parvenir à ses oreilles. Or, tandis que Browning était ainsi assailli et emballé, César Rabascas n'avait pas perdu son temps. Non sans difficulté, il avait réussi à suivre l'Américain et derrière lui était arrivé devant le cabaret de la rue Saint-Vincent. Persuadé que tôt ou tard, Browning allait ressortir, il avait fait le guet, aussi bien pour surveiller les clients de l'étrange établissement que pour pouvoir, au besoin, prêter main-forte à son associé. Il guettait ainsi depuis un assez long moment lorsqu'il distingua plusieurs hommes de petite taille qui arrivaient du côté de la rue des Saules. Instinctivement, il pensa aux Japonais attaqués sur le boulevard Saint-Michel et qui avaient si mystérieusement disparu. Dissimulé entre un tas de gravier et le mur de soutien de l'ancien cimetière, il regarda et se convainquit que les inconnus étaient bien des Japonais. Il les vit, les uns après les autres, disparaître derrière la palissade du terrain vague flanquant le cabaret du dernier des Rapins. « Il va sûrement se passer quelque chose, » pensa-t-il. « Faudra savoir si ce sont des amis ou des ennemis des autres. Si c'était des amis, ils rentreraient carrément dans la boîte. Puisqu'ils se cachent, ce sont des ennemis. Attendons les événements. » Rabascas attendit. Une dizaine de minutes à peine s'écoulèrent. Dans le silence de la petite rue, le Gascon, soudain, crut entendre des éclats de voix partant du cabaret. Il dressa l'oreille et se tint prêt à agir s'il le fallait. Mais tout aussitôt, le calme revint. Et à la grande surprise de Rabascas, un des Japonais apparut à la porte du cabaret. Il jeta un long coup d'œil dans la rue, pour s'assurer sans doute qu'elle était déserte, puis se retourna vers l'intérieur de l'établissement. Presque aussitôt, les autres Japonais sortirent. Deux d'entre eux portaient chacun sur leur dos un énorme sac de jute qui semblait peser fort lourd. « Ou je ne suis qu'un imbécile, ou ces sacs renferment des prisonniers, » pensa Rabascas, qui, immobile, vit les Japonais passer à quelques pas de lui sans le voir. La clarté d'un réverbère tout proche lui permit de mieux se rendre compte de la forme des sacs et le confirma dans l'idée qu'il devait certainement contenir des corps humains, vivants ou morts. Il laissa les Japonais s'éloigner, et dès qu'ils eurent tourné le coin de la rue des Saules, quitta hardiment sa cachette et bondit vers la porte du cabaret. Elle était restée entrouverte. Il la poussa, et ayant franchi le seuil, constata que la salle commune était déserte. Déserte en apparence, car derrière le comptoir d'étain, Rabascas découvrit le corps inerte du garçon. Il se pencha sur lui et vit que le malheureux avait la tempe droite enfoncée. « Son compte est bon, pauvre type, » murmura-t-il, en sortant son revolver de sa poche. « Voyons ce qu'est devenu Browning. » Il passa dans l'arrière-boutique, la traversa sans rencontrer âme qui vive et arriva dans la courette. Malgré l'obscurité, il découvrit la porte de la cave. Ayant sorti de sa poche une petite lampe électrique portative, il s'engouffra dans l'escalier dont il descendit rapidement les marches. En un éclair, il comprit tout. En voyant étendu sur le sol, parmi les futailles et les caisses, les cadavres de deux hommes de haute stature, dont il reconnut un pour le patron de l'établissement. Mais ce fut en vain qu'il chercha Browning, pas trace de l'Américain. Il allait remonter lorsqu'il faillit glisser sur une casquette de drap gris, celle de son associé. « Cab de bon Dieu !» murmura-t-il. « Ils l'ont enlevé. Il était sûrement dans un des deux sacs. Et moi qui les ai laissés filer. » Comme un fou, Rabascas remonta. Il traversa la courette, l'arrière-boutique et la boutique, et une fois dehors, s'élança dans la direction de la rue des Saules, qu'il descendit d'une haleine jusqu'à la rue Caulaincourt. Il faillit laisser échapper une exclamation de stupeur et de joie en apercevant, à moins de 50 mètres de lui, une grosse limousine arrêtée le long du trottoir et sur le toit de laquelle deux hommes étaient occupés tranquillement à fixer de gros sacs à l'aide de cordes et de courroies. « Pas d'erreur, ce sont eux, » pensa le Gascon. Il regarda autour de lui. La rue était déserte, personne. Une pluie fine commençait à tomber. Que faire? Appeler à l'aide? Mais avant combat, les bandits seraient loin, et puis, même s'ils étaient rejoints, cela ne ferait peut-être pas retrouver les documents volés au ministère de la Marine. Car rien ne prouvait que les inconnus les avaient sur eux, rien ne prouvait même que c'était eux les voleurs. Rabascas résolut de suivre la limousine, mais comment? Pas à pied, sûrement, et pas en s'accrochant derrière, ce qui était impossible. Rabascas vit tout perdu. Il regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur un marchand de cycles qui, sur le trottoir opposé, était en train de fermer son magasin. Rabascas bondit vers lui et, en quelques phrases brèves, lui demanda de lui louer une bicyclette. Le marchand, étonné, car il était plus de 8 heures du soir, regarda son étrange client. Rabascas comprit qu'il hésitait et, pour le convaincre, sortit 2 billets de 100 francs de sa poche qu'il offrit de laisser en garantie. Cette proposition calma les scrupules du commerçant. Il alla aussitôt chercher un vieux clou qu'il tendit à son client en lui recommandant d'y faire bien attention. « N'ayez pas peur, » assura Rabascas, « et je serai ici demain. C'est 20 francs pour la nuit et 2 francs l'heure à partir de 7 heures du matin, » conclut le marchand. Sans l'écouter davantage, Rabascas avait traversé le trottoir et sauté en selle, car la limousine venait de démarrer et s'éloignait à bonne allure. Rabascas s'appuya sur les pédales et fonça à sa poursuite.